Alors du coup, nous avons fait les enregistrements au pied de la tour des jeunes travailleurs, un espace dans le quartier Village Olympique. Et notre idée, donc dans un premier temps, on a donc une histoire racontée qui part du pied de la tour jusqu'au 8e étage. Après, dans un deuxième temps, un jeu de ballon de basket qui part du 8e et qui descend. Du 15e ? Ah oui, c'est vrai qu'il part du 15e jusqu'en bas. Et du coup, on a eu envie de créer, de projeter un banc mobile, on appelait ça volant aussi. Et en fait, grâce à ce qu'ils sont, on a simulé la montée d'un banc. Parce que les prises de base sont les prises d'un banc. Et après, on a fait monter, tout simplement monter la source, depuis le banc. Mm-hmm. On a fait voler le banc. Ouais. Donc on a plutôt travaillé sur la hauteur, vous voyez. Et je ne sais pas si vous l'entendez vraiment, les histoires de hauteur tout le long, ou c'est des trucs qui s'entendent vraiment, parce que nous, on sait. On entend qu'on prend la distance avec des choses. Mais est-ce qu'on sent que c'est une distance dans la hauteur ou pas spécialement? Mais en fait, je pense que le problème vient de quand on monte. Peut-être qu'on avait besoin de mettre un arrière-fond qui monte aussi, parce qu'en fait, on a focalisé sur le son de... Non, mais je ne parlais pas de la dernière partie, là, qui est ratée, quoi. Non, parce qu'en fait, du coup, c'est comment ça fait quand tu montes, le son, il reste là, mais que tu n'as pas tous les bruits ambiants, justement. Et du coup, c'est une sorte de montée, mais comme si tu étais dans une cour, dans un tunnel, en fait, tu vois. Donc, en fait, c'est raté, non, en fait, c'est autre chose, quoi. On sent vraiment la prise de distance, quand tu dis le tunnel avec le ballon. Vraiment, on sent que le ballon, il est au bout du tunnel. Après, est-ce que c'est en vertical? Je sais pas. Ouais. Et par rapport à ce qu'il y a, à mon avis, ce qui est absent, c'est l'urbain, quoi. Parce qu'en fait, plus on va prendre de la hauteur, plus on va entendre le lointain. Et là, le lointain... c'est plus tunnel que tour, en fait. Mais est-ce qu'au début, surtout, vous l'avez entendu, en fait? Parce qu'après, est-ce qu'on... Dans les voies réverbérées, au début, il y a une voie qui monte, qui va jusqu'au 8e, et ensuite le ballon qui descend, et je me demandais si ça s'entendait, que ça montait, que ça descendait. Moi, je trouve qu'on entend très bien la descente, parce qu'en fait, c'est qu'on a une impression de proximité très nette à la fin de cette séquence, quand on est proche du ballon, donc, par... rétroaction, on se dit ah d'accord, donc on était sûrement pour moi c'est ça que ça m'a fait comme chemin. Oui. La cage d'escalier elle est grillagée, c'est ça, elle est ouverte? Ouais, elle est ouverte sur l'extérieur avec des murets qui sont à peu près de cette taille, et surtout elle tourne très vite, donc il y a une espèce d'effet dans le son aussi de ça passe derrière, ça passe devant, mais de manière assez rapide, en fait. C'est pas du coup il y a un... Si on le réécoute, on entend vraiment que ça tourne, je pense. Oui, ça, on entend ça. Puis même en stéréo, on entend. Ouais, voilà, aussi, il y a tout ce truc de stéréo. Du coup, il y a l'effet réverbérant du haut du bas, mais en même temps, le son se perd, on a du mal finalement à repérer. On voit pas tout en hauteur, mais on voit pas en ce qu'il a dit. C'est vrai que c'est un peu perturbant, c'est réverbérant, mais en même temps, c'est ouvert et on a le son de. Par contre, on écoute vraiment une histoire. Moi, j'avais vraiment l'impression d'écouter une histoire. Qu'est-ce qui se passe, et puis la voiture et tout ça. Oui, mais après, on a fait des tests. Ouais. C'était plus seulement. En fait, le ballon, tout simplement, ça nous est venu. Par contre, l'idée de l'USC, parce qu'on a vu plusieurs cours. Les jeux de ballon étaient interdits, ce qui me paraissait un peu fou vu la tête des cours. Et du coup, après, on s'est posé un peu des questions sur les idées de jeux dans l'espace public. Puis après, en fait, on a un peu aussi restreint pour des questions de temps et de ne pas avoir à retourner faire des prises. Enfin, voilà, c'est des choix un peu. Comment vous avez fait pour le ballon concrètement? Et on est basketteuse dans l'équipe. Et un futur entraîneur. Vous avez travaillé sur combien? En fait, moi je suis montée tout en haut avec le ballon. Et je descendais en dribblant à chaque étage.